This is the masterpiece herself, Chris Masters, and you're listening to Wrestles Radio. Bonsoir. Wrestles Radio dédie ce soir ce podcast à la mémoire de Dusty Rhodes, Hall of Famer de la WWE, décédé ce 11 juin 2015 à l'âge de 69 ans. Il était le père de Dustin et Cody Rhodes, plus connu sous le nom de Goldust et Stardust. Dusty Rhodes était avant tout reconnu pour son habileté au micro et surtout pour sa connaissance aiguë du business. Il a travaillé avec la WWE évidemment, mais aussi avec la WCW, le CW ou la TNA. Et travaillé encore ces dernières années au Performance Center de la WWE avec les jeunes de la NXT, comme l'ont souligné récemment Sami Zayn ou encore Kevin Owens. Ce soir, ce podcast nous sert aussi à lui rendre hommage, car si nous sommes fans de catch, c'est en partie grâce à Dusty Rhodes. Bonsoir, bienvenue à tous pour ce live, pour cette édition de Late Night Wrestles consacrée au pay-per-view Money in the Bank. C'est Pierre à l'antenne et pour m'accompagner ce soir, un petit régiment de vrais bonhommes. Évidemment, le premier a fait littéralement fuir Rou Benito ce soir, c'est le matelot Gus. Salut Gus. Salut tout le monde, comment ça va? Il est de retour. Oh putain, ça doit faire au moins depuis le mois de janvier que je suis pas là. Pour vous jouer de mauvais tours. Programme de Pokémon, je ne fais pas partie de la Team Rocket quand même, excuse-moi. On verra ça. Le second pourrait amener le café et les croissants à Christophe Ajus après son live sur AB1, mais préfère dormir, quelle drôle d'idée on sait. C'est Seb, salut. Seb ? Ouais, il n'est pas là. Bonsoir à tous. Allô, allô. Ah bah voilà. Ah bah voilà. L'émission commence très bien, comme vous pouvez le voir, avec des problèmes techniques déjà, mais bon, en tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, voilà, Renaud l'avait très bien repris. Justement, enfin, c'est le dernier, l'unique, c'est son deuxième live d'affilée pour notre niçois émérique, le seul à qui je vais donner un grade ce soir, c'est le colonel Renaud. Bienvenue à toi. Bang ! Salut les amis. Oh, c'est ton pay-per-view ce soir. Ah, c'est mon pay-per-view, pourquoi ? Parce que money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. On se dirige donc vers Columbus dans l'Ohio, terre de Dean Ambrose et Dolph Ziggler, comme l'a souligné Vincent, qui est toujours en train de faire fonctionner ce live, pour le pay-per-view Money in the Bank, avec ce theme song attitré fait par Jim Johnston, l'un des principaux créateurs de la musique made in WWE. On se retrouve après. Money, money, money. Nous voici donc à Columbus et avec un pré-show qui bien sûr aura vu un hommage à Dusty Rhodes, avec notamment René Young qui a été pas mal ému après l'hommage qui a été diffusé. Donc ça parle bien sûr des matchs qui vont venir. Et il y a eu dans ce pré-show un match entre R-Truth et King Barrett. Et c'est R-Truth qui a gagné en 5 minutes 41. Est-ce que quelqu'un a fait... l'honneur à ce match d'être regardé par quelqu'un dans l'équipe. Eh oui. Tu as fait ça, Gus. J'ai fait ça il y a une demi-heure. Quel courage. C'était tellement fade que je n'ai plus de souvenir de ce match déjà, tu vois. Donc tellement ça m'a marqué, c'était pas terrible quoi. Plus coupé comme par hasard sur des pubs, une fin pourrie qui finit sur un espèce de vieux roll-up. Mais un peu stylé quand même. Mais bon, R-Truth en 2015, à 43 ans, faut qu'il arrête là. Quand même, il a arrêté de nous divertir depuis très longtemps, R-Truth. Moi, j'ai envie de dire que King Barrett, à Extreme Rules, il était dans le pré-show face à Neville. Il perdait déjà. Il a gagné le King of the Ring. Il arrive au pré-show de Money in the Bank. Il perd. C'est pas vraiment une évolution, quoi. Ce King of the Rings, c'est pas vraiment relance nouvelle. Non, mais c'est pas le premier à qui le King of the Rings pour le moment ne sert à rien. Regarde Sheamus quand il avait gagné le même tournoi, ça lui avait apporté tellement rien que l'idée du King Sheamus avait vite été abandonnée. Je pense que personne d'autre ne puisse à dire, il n'y a pas grand chose à dire sur ce pré-show. On va passer au show principal avec le match éponyme, donc le Money in the Bank Ladder Match, donc pour avoir un contrat pour le titre de la WWE quand on veut, où on veut et contre le champion, avec Sheamus qui a battu Neville, Roman Reigns, Randy Orton, Kofi Kingston, Kane, Dolph Ziggler. En 20 minutes 50. Alors, il faut noter que Bray Wyatt est intervenu pendant le match, alors que Roman Reigns était probablement sur le point de décrocher la manette. Une autre intervention du petit Bray Wyatt. Je vais demander à Seb ce qu'il a pensé de l'opener. Eh oui, le fameux Money in the Bank match, un match très attendu chaque année. Donc, on l'attend en tournant, quoi. On y a le droit une fois par an. On veut que ce soit bon. Et cette fois-ci, pour moi, j'ai trouvé que c'était mauvais. Moi, j'ai pas aimé le scénario de ce match qui consistait quasiment dans l'intégralité à opposer deux catcheurs dans le ring, en fait, et les autres étaient KO autour du ring. C'était vraiment la grosse formule qui a été utilisée dans ce match, un contre un dans le ring et les autres autour. Donc, je trouvais que sur les précédents Money in the Bank, cette formule était beaucoup moins utilisée. Il y avait plus de catcheurs impliqués dans le ring en simultané et c'était plus agréable à suivre que cette fois-ci. Après, il y a toujours quelques bons spots, hein. Je pense au RKO de Orton sur Neville ou encore le powerbomb de Roman Reigns sur Kofi Kingston sur tous les autres catchers à l'extérieur du ring qui était assez sympathique. Mais globalement, moi, j'ai été quand même assez déçu. Il y a quelques interventions aussi qui sont pas forcément nécessaires. Je pense au New Day, par exemple, qui n'a pas sa place ici. Parce que notamment qu'ils vont catcher plus tard dans la soirée. Donc pourquoi intervenir dans ce match-là, c'était pas nécessaire. L'intervention de Bray Wyatt est plus nécessaire dans le sens où ça va permettre de ne pas faire gagner Reigns et ouvrir surtout une rivalité. Et sinon, rapidement, un petit mot sur la victoire de Sheamus. Pour moi, c'était lui ou Roman Reigns en gagnant. Il y avait deux hommes pour gagner. Finalement, ils ont choisi Sheamus, donc c'est bien pour lui. Et je suis quand même content que ce soit pas Roman Reigns. Je vais revenir sur un truc quand même. Quand tu dis que le New Day n'a pas sa place dans le ladder match, je suis pas complètement d'accord avec toi parce que Kofi Kingston était donc du match et il fait partie de New Day, donc à la limite venir l'aider à décrocher la manette, c'était limite normal en fait qu'il débarque à un moment donné. Et puis accessoirement se garantir du coup un match pour le titre. Oui voilà, donc c'était plutôt logique de les voir débarquer. Je suis pas d'accord avec toi. Des potes, ça m'a pas semblé nécessaire. Hein, c'est un clan. À un moment donné, si tu veux faire un clan, tes gars ils ont intérêt de venir. Hein. Je suis plutôt d'accord avec Gus sur ce point-là. Qu'est-ce que t'as pensé de la victoire de Sheamus quand même, Renaud, même si t'as dit que t'avais eu quelques problèmes. Ah non. Ouais, j'ai eu des soucis au niveau de la diffusion par rapport à mon enregistreur, mais ouais, Sheamus, je suis content parce que c'était soit lui, soit Roman Reigns, surtout Roman Reigns, mais la deuxième option. Ouais. Qui veut voir Roman Reigns avec avec la mallette Moi perso, ça me dérangerait pas, mais bon. Après, Sheamus, je trouve ça bien. Je trouve ça bien pour lui parce qu'il a participé déjà à plusieurs Money in the Bank et il a largement les épaules pour la tenir cette mallette et pour devenir champion. Donc ça me dérange pas. C'est très bien même. À voir par la suite. Et pour revenir sur les Money in the Bank, là, Seb qui disait qu'il n'était pas super celui-là, il y a un Money in the Bank qui était vraiment celui qui avait été gagné par John Cena, où il y avait eu Kane, Big Show, Le Miz et Jericho. Ils avaient fait le main event à l'époque, c'était un Money in the Bank soi-disant All-Star. Enfin, c'était celui en tout cas qui avait été vendu comme tous les gars qui participent ont déjà été champions du monde. Et finalement, on avait été super déçus de celui-là. Je pense, enfin, j'ai pas vu celui-là de hier, mais je pense qu'il est quand même au-dessus de ce qu'ils nous avaient proposé en 2012, les gars que je viens de citer. Assez d'accord. Donc sur YouTube, il y a Mehdi Soula qui dit qu'il veut son petit fanboy qui aurait bien aimé que son chouchou Dolph Ziggler il gagne. T'inquiète pas, t'étais pas tout seul. Ouais, t'étais pas le seul, hein. C'était le gars le plus over. Pour moi, Sheamus, je suis pas. Enfin, je trouve que c'est dommage de l'avoir fait du coup perdre pour après gagner Money in the Bank. Même si c'est une dynamique qu'on retrouve pas mal avec les tenants de la mallette avant et après. Alors sur Twitter, Scar7 qui réagit donc sur le hashtag WR Live, vous pouvez faire ça donc pendant toute la durée du live, de 22h30 à 23h30 environ, Sheamus champion, c'est soit lui ou Reigns, hein, c'est ce qu'on dit, voilà. Et mais le match était mauvais selon lui. Pour moi, je dirais que le match était correct. Oui, c'était correct. Et quelques il y avait deux trois spots sympas. Ouais, le boulot de Reigns c'est intéressant sur le match, même bien que je j'aime pas ce gars. J'ai bien aimé la powerbomb qu'a fait Reigns sur Kingston sur l'échelle, puis vice versa avec Neville, qui était assez intéressant, j'ai trouvé comme spot. Son topé est toujours sympa aussi, hein. Oui, son topé est toujours sympa aussi. Oui. Ouais. Et je trouve intéressant le fait, tu vois, qu'ils l'ont pas mis trop en destructeur, donc ce côté 1v1 constant, il était du coup bien parce qu'il avait un autre effet, c'était qu'on n'avait pas trop cette impression que Roman Reigns était trop fort, tu vois, qu'il n'y avait pas de surbooking sur son personnage. Bon, il a eu deux trois spots, mais il n'a pas non plus effacé tout le reste, hein. Notamment le spot final, c'est Sheamus et Neville plutôt, qui a été plus bien mis en avant, je trouve. Oui. Enfin, mis à part, on va dire, Randy Orton, même s'il a fait un RKO et Kane, je trouve que le reste a eu à peu près son moment, quoi, à chaque fois. Et... Le RKO de Orton sur Neville, il est quand même, impressionnant. Il est limpide et il fait un sacré boulot en ce moment. Donc voilà. On peut dire que Roman Reigns faisait son premier Money in the Bank aussi. Roman Reigns, il y avait Neville aussi. Ouais, bien sûr, oui. Le reste, je crois, avait tous. Si, justement, c'est ce que je disais plus. Déjà tout, C'est passé Sin Cara même à travers une échelle et tout. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai, exact. En effet. Oui, c'était en 2011. La Bible m'a encore battu. je vous propose du coup de passer à la suite. Hein, je vais juste peut-être prendre ta place deux secondes et poser une question. Est-ce que vous pensez que Sheamus va encaisser avec succès sa mallette? Ah oui, pour moi, oui. Un gars comme Sheamus, s'il encaisse pas sa mallette correctement, c'est un problème. Alors je sais pas quand, mais pour moi, je pense que Sheamus, il encaisse avec succès la mallette. Ça ne va pas durer aussi longtemps que Seth Rollins. Ça va durer beaucoup moins longtemps. Je pense qu'il va cacher d'ici la fin de l'année, ça sera fait, quoi, déjà. Ouais, voilà. Après, faut laisser le temps justement aux rivalités de Seth Rollins. Après, faut pas oublier que ce soir il y a Raw et que c'est pas impossible aussi qu'il cache ce soir, hein. Même si ça semble évident. C'est étonnant, je pense, mais pourquoi pas après tout, hein. Mais pour moi, à mon avis, il y aura d'abord la rivalité de Seth Rollins avec Brock Lesnar, prendre le dessus. Dean Ambrose peut-être encore pour un pay-per-view jusqu'à ce que Lesnar arrive. Mais là, on a 5 semaines, donc il y a le temps de réinstaller une histoire avec Seth Rollins qui risque. En vrai, qui risque de prendre le temps. Je sais pas si ce sera Sheamus. Mais... Ça m'étonnerait même, mais bon. Ouais, Sheamus, il faut de toute façon laisser un certain temps. Le mec est plus aussi over qu'avant, quoi. Donc, faut le remonter. Alors, sur WR9, ils disent qu'ils avaient carrément oublié le Orton versus Wade Barrett. Ouais, On les pardonne. On leur pardonne. Vous inquiétez pas, le pré-show, de toute façon, c'est pas, enfin, c'est dans le titre, quoi. C'est avant le show, c'est pas vraiment si. Important. On va passer à la suite avec un match pour le titre des divas entre Paige et Nikki Bella, et c'est Nikki Bella qui l'emporte après un Twin Magic qui n'a pas fonctionné. En fait, c'était un peu un hommage au Dusty Finish, tout ça en 11 minutes et 18 secondes. Renaud, tiens, je te lance sur des divas parce que il y a un Dusty Finish. Oui, alors, voilà, c'est pour ça. C'est juste pour ça que je vais te lancer dessus. Non, mais moi je trouve ça assez grave. Justement, le Dusty Finish qui marche plus du tout aujourd'hui, puisque Nikki Bella, ben, elle a du balcon. Et que Brie en a pas. Et c'est ça le problème. Donc, bon, on voit très bien que c'est Brie. Je crois qu'avec les mouchoirs, ça passe. Oh, ça passe pas super, hein, quand même. Hein. Et puis même au niveau dans l'arrière-train, pour rester poli, on voit très bien que c'est l'arrière-train de Brie qui est revenu et c'était plus celui de Nikki. Mais après, sincèrement, bon, moi, je suis pas un fou des matchs de diva, on le sait, je le répète à chaque fois, mais j'ai trouvé le match plutôt bon, hein, sincèrement, je l'ai trouvé bien rythmé, et c'était pas mal, franchement, le match, je l'ai bien apprécié, dans ce qu'ils m'ont proposé, en tout cas, c'était plutôt cool. Après, cette fin me gêne un peu, ça me rappelle aussi les frères Harris, pour citer une référence à la WCW, ça y est, elle arrive, il est quelle heure, là? 22h et quelques, 22h46, voilà, ça y est, référence à WCW, les frères Harris, Don et Ron, qui étaient dans la NWO 2000, s'échangeaient eux aussi à la fin. Mais eux, c'était logique, puisque c'était exactement les mêmes. Voilà. Seb. Ouais, moi je suis d'accord avec Renaud. Le match est pas mauvais. J'ai bien aimé que les divas ont eu plus de 10 minutes de temps d'expression. C'est assez rare pour être souligné. Donc un bon point. Après, je pense que la fin de match qui est un peu ambiguë, ça va être le début de quelque chose, puisque je me rappelle que c'était pas long, mais il y avait 2-3 secondes où tu voyais le roster féminin qui regardait le match sur un écran dans les vestiaires. Et ça peut peut-être être le début d'une sorte de révolte ou je sais pas du reste de la division suite aux tricheries des Bella. Je me dis que ça peut être quelque chose. Aussi optimiste sur les intentions scénaristiques de la WWE, Gus ou... Non, mais on peut noter quand même aussi la progression de Nikki Bella qui n'est plus la même depuis qu'elle a le titre quand même sur le ring. Ouais, une vraie progression, hein, Gus. Une vraie progression clairement, quand même. Hein. Oubliez pas que d'où elle vient quand même. Nikki Bella, c'était comme sa sœur, hein, elles étaient très mauvaises sur le ring et depuis qu'elles sont revenues, bon, on se répète hein, à force, mais bon, c'est bien de le souligner à chaque fois. Non, on le souligne souvent. On se ligne assez souvent, mais bon, et en plus de ça, elles sont très jolies, donc. On sait que tu es un faible pour Nikki Bella. Ah, oui, surtout depuis. Enfin, tu es un faible pour toutes les femmes qui auraient un intérêt pour toi, mais ça, c'est. J'ai un faible pour toutes les femmes qui ont une poitrine et des fesses, effectivement. Et voilà. Oh, yeah. Et ben, c'est un Stangus. Vincent va pouvoir s'amuser au montage enfin. D'accord. Il y a Mehdi Soula qui clash un peu sur YouTube, qui dit je veux plus des divas, je veux des lutteuses. Ah ça, on se bat à NXT pour ça. Hein. On a l'impression que Mehdi est saoulé. Seb, il est bon, je voulais. Ah, le jeu de j'ai pas osé. Moi, j'étais d'avis pour laisser un petit silence, mais vu que vous avez envie de réagir à ça. Excuse-moi, Mehdi, il fallait que je la fasse. Je vous laisse faire. Tu sais qu'il y a une journaliste de France 2 qui s'appelle Sama Soula. Ouais, ma mère fait tout le temps la blague. Ma mère fait tout le temps. Elle dit, ça m'a saoulé. Hein. Ouais, et d'ailleurs, ça m'a saoulé. Ils sont fous. Ah là là. D'ailleurs, si elle m'écoute, salut maman. Bisous, maman. Bisous. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On va pouvoir passer à la suite avec le match favori de Gus. Le match. Ouais. Tu l'attendais. Bisous. Bon. Voilà. Donc c'est Ryback contre le Big Show. Un match qui s'est terminé en disqualification parce que The Miz a attaqué le Big Show en 5 Quel connard. 28. Ouais. Donc voilà, possible rematch, triple threat match. Est-ce qu'il y a vraiment grand chose à dire sur ce match, hein? Il n'y a pas eu grand chose sur le match. Alors, je pense que je vais vous paraître assez sûr. Ça peut vous surprendre ce que je vais vous dire. J'ai quand même trouvé le début du match intéressant. Après, le reste, tu le jettes, quoi. Ouais. Pareil, ouais. Non, sincèrement. Honnêtement, les gars, soyez un petit peu objectifs. Oubliez le fait que vous détestiez Ryback. Attends. J'ai pas regardé le début du match. Attends, tu vois le spinebuster, ça part vachement vite. Tu commences par un gros spinebuster de Ryback sur le Big Show qui enchaîne avec sa clothesline, qui va donc tenter le après son shell shock. Bon, bien sûr, après on sait tous comment ça s'est passé. Mais honnêtement, les 30 premières secondes du match sont très intéressantes. Après, bon. Première seconde. Le problème, c'est ben, oui, mais le problème, c'est que si Big Show ne rate pas le match n'aurait duré que 30 secondes et ça aurait été 30 secondes hyper intéressant. Après, je vais te dire un truc. Un match entre Ryback et Big Show, ça a beau démarrer assez bien, machin, etc. Ça va forcément retomber dans ses travers. Oui. De lenteur et de domination du Big Show parce que Big Show est heel et parce qu'il est imposant. Et du coup, ça part dans un format forcément beaucoup plus lent, hein, qui est un peu dérangeant. Après, j'ai bien aimé le fait aussi que Ryback utilise un jutsu Gatame. Je crois que c'est la première fois qu'il l'utilise, si mes souvenirs sont bons. Peut-être qu'on peut m'orienter là-dessus. Ouais, je crois que t'as raison. Hein. C'est la première fois, donc il ajoute une prise. Il ajoute donc une prise à sa palette, ce qui est pas mal quand même. Donc on peut retenir des choses de ce match quand même. C'est pas top, mais il y a des choses à retenir. Ce qui a un petit peu tué mon intérêt dans ce match, c'est la direction qu'a pris la rivalité, puisqu'à Raw, Ryback a porté le shell shock sur le Big Show, et c'est vraiment le moment qui faisait un petit peu rêver dans ce match-là, c'est voir Ryback porter cette prise sur Big Show, et là, ils ont carrément vendu la mèche avant le match. Je viens de dire Ryback, Big Show et rêve dans la même phrase. Oui, c'est vrai que c'est un peu contradictoire. Ça fait mal. Et pour se projeter un petit peu à Battleground, oui, il y aura un triple choice match entre Big Show, Ryback et Miz, ça paraît évident. On pensait que ça pouvait pas être pire. Et la WWE enfonce le couteau. C'est fantastique, c'est fantastique. Bah, disons que Miz, grâce à un petit peu à son gabarit, peut apporter un petit peu de vitesse à ce match. C'est tout, quoi. Mais, voilà. Est-ce que vous vous sentez de dire encore quelque chose sur ce match? Ouais, je voulais juste dire que la verticale souplex de Ryback était quand même belle à voir. D'ailleurs, il y a eu un replay là-dessus. Après, un grand merci au Miz d'être intervenu. Comme ça, ça a été moins long. Bon, c'était pas, ouais, voilà. C'est... On peut passer. Comme on s'y attendait, de toute façon. Ryback Big Show, ça peut pas être un 5 étoiles. Hein, façon. Je trouve ça dommage quand même de commencer un règne de champion pour Ryback en commençant par Big Show. Donc, oui, c'est dommage. Carrière, qui n'est vraiment plus aimé du public. Hein. On a encore entendu des chants « Please retire » pendant le match, donc « S'il te plaît, pars à la retraite », pour les non-anglophones. Ouais, voilà, quoi, c'est... C'est dommage. Je les trouve vaches avec ça, les Américains. Moi, vite, prends ta retraite. Tu prends la retraite quand il veut, quoi. C'est bon. Ouais, mais. Ouais, non, mais bon, c'est un peu vache, quoi. Voilà. C'est vrai que pour ce qu'il a fait, oui, il ne le mérite pas forcément. Hein. Bichou, il n'a pas fait que de la merde dans sa carrière. Heureusement. Voilà, il y a eu quelques moments bons, mais malheureusement, moins récemment. Donc voilà. Ben, mais on va quand même remercier The Miz d'avoir interrompu ce match, parce que le match suivant, c'est John Cena contre Kevin Owens. Et on va dire que c'est le match que tout le monde attendait. C'est le match alors de la que c'est seulement le deuxième match, ouais, enfin le deuxième match entre les deux, hein, pas le deuxième match de la soirée. Et donc encore un champion contre champion, donc John Cena champion US bien sûr et Kevin Owens champion NXT. Un match qui a vu John Cena gagner clean aussi en 15 secondes. Kevin Owens est battu, John Cena le félicite, enfin voilà il veut lui serrer la main, Kevin Owens lui serre la main, John Cena lève la main et Kevin Owens attaque John Cena, bien sûr, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, avec notamment cette powerbomb sur le côté du ring que Kevin Owens a déjà fait goûter, notamment à Sami Zayn, et donc Kevin Owens qui part en riant de manière assez marquée et marquante. Donc voilà, Renaud, j'ai envie de te lancer sur ce match. Ah ben merci puisque c'est clairement le meilleur match de la soirée sans contestation possible. C'est un combat. Moi j'ai trouvé que le combat il était assez construit sur des spots et des grosses prises. C'est-à-dire que c'était une fois autour de Kevin Owens, une fois autour de John Cena, vice versa. J'ai préféré ce combat-là à celui qu'ils avaient fait à Elimination Chamber, même si je trouve qu'à Elimination Chamber il y a peut-être un fil conducteur, un peu plus. Il y avait peut-être plus de storytelling avec Owens qui avait dominé la première partie du match et Cena qui était un peu revenu. Là, il y en avait peut-être moins, mais ils sont allés plus loin au niveau des prises. Ils ont fait plus de choses encore. C'était vraiment propre. À part un petit souci à un moment donné, c'est super compliqué. C'est John Cena qui doit retourner une sorte de prise pour faire un small package. Ça, c'est Rey Mysterio qui en était le spécialiste, mais vous imaginez bien que le gabarit de Rey Mysterio quand il faisait, c'était magnifique. Surtout qu'il a fait sur des catcheurs comme Eddie, comme l'Ultimo Dragon, Malenko, Tajiri, Morrison. Enfin voilà. À chaque fois qu'il faisait Mysterio, c'était sa prise. C'était magnifique à voir. Là, John Cena a réussi à la faire tout de même. Donc bravo à lui. Même si Owens est beaucoup dans l'affaire sur cette prise-là, mine de rien. Celui qui l'a subi joue beaucoup de son corps aussi pour la subir. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié. C'est un combat superbe. Et vu la fin, à mon avis, on repart encore sur un prochain match à Battleground, je pense. Oui, dans le comme Renaud a dit, j'ai quand même trouvé le début de match un petit peu en dessous de ce qu'on a vu à Elimination Chamber. J'ai bien aimé, par contre, comment le match a été construit. J'ai trouvé qu'on a commencé un petit peu doucement, puis petit à petit, ça montait en intensité jusqu'à cette première powerbomb de Kevin Owens. J'ai bien aimé surtout la deuxième parce qu'on était en phase de replay. Et ils n'ont pas eu le temps de... Ça allait tellement vite derrière qu'ils n'ont pas eu le temps de revenir sur le direct qu'il y avait déjà la deuxième powerbomb de Owens derrière le deuxième FU. Voilà. Seb, enchaînons. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match, hein, clairement. Entraînant du début à la fin, il n'y a pas beaucoup de temps mort. C'est d'un niveau qui est au moins égal au match de Elimination Chamber. Je peux pas dire s'il est mieux ou pas. C'est une question que je me suis posée en regardant le match. Et je sais pas, je dis qu'il est au moins égal. Peut-être meilleur. Je ne peux pas définir clairement mon point de vue là-dessus, j'y arrive pas. Sinon, un petit regret quand même, que le regret que ce soit la formule classique de John Cena qui a été utilisée, c'est-à-dire une défaite en pay-per-view et il reprend sa revanche au pay-per-view suivant. C'est dommage. Mais Kevin Owens, c'est quelqu'un d'assez spécial, on l'a vu avec sa victoire pour son premier match contre Cena. Et s'il avait encore parvenu à battre Cena, il serait encore plus spécial. Là, il retombe un petit peu dans une certaine normalité qui est un petit peu désagréable. Mais bon, il ressort quand même fort, faut le dire. Il a quand même subi 3 AA et après, il a quand même eu son moment avec l'attaque à la fin du match. Donc, il ressort assez fort, mais c'est dommage quand même qu'il ait perdu clean. Non, mais c'est normal. Après, si tu veux une belle, il fallait que Cena gagne le match. Alors, après... je vais reprendre d'abord des interventions auditeurs. Hein, excusez-moi. Il y a Archive TVF qui disait cool de vous écouter. Donc, merci. Merci, mon ami. Merci à toi. C'est gentil, nous écoutons en live. Cena versus Owen, c'était clairement un des meilleurs matchs du pay-per-view. Sur Twitter, au hashtag WRLive, toujours actif, vous pouvez toujours répondre. Il y a Brusty qui vous surveille. Il y a Xurgo, j'espère ne pas fourcher vos pseudos, qui dit que ce match était awesome et que ça vaut un très bon 4 sur 5. Et on a toujours Mehdi Soula qui dit que Owen versus Cena, il a juste adoré ce match, que c'était le meilleur match du pay-per-view. Et il dit aussi bravo à Cena. Moi aussi, j'aimerais souligner le travail de Cena qui avait annoncé qu'il allait augmenter son niveau. Je trouve qu'il l'a fait au niveau spot. Voilà. Après, niveau storytelling, c'est sûr que, comme le disait Renaud, c'était moins fort qu'à Elimination Chamber. Je trouve que ce match avait plus un aspect spot-fest, je sais pas pour vous. Exactement, ouais. Ça donnait un peu plus, tu vois, dans le spectaculaire. Les deux voulaient tellement en donner en fait que c'est devenu un peu spotfest. Mais ça restait très bon, hein, voilà. Gus, tu veux dire un truc? Ouais, ben j'avais une question un petit peu à vous poser, un petit peu généraliste. Maintenant, on arrive à la fin de carrière de John Cena. Je sais pas quand est-ce qu'il prendra sa retraite, mais il est quand même plus proche de la. Il est quand même plus proche de la fin que du début, quand même, John Cena. Moi, je me pose une question parce que ce type-là, quand même, qui a énormément de haters, hein. Je vais peut-être me faire insulter parce que je vais dire là, attention. On a beaucoup critiqué John Cena par le fait qu'il fait toujours qu'il fait toujours les mêmes matchs, que le fait qu'il a que 4 prises, machin. Enfin, là, il a démontré quand même petit à petit depuis quelques temps qu'il est capable de tout faire dans un ring. Et moi, messieurs, donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est que est-ce que John Cena est le meilleur catcheur de tous les temps qui est passé par la WWE? Le débat lourd lancé par Gus, ça c'est très bien. Oui, il faudrait une émission spéciale, je pense, pour répondre à ça. Je pense vraiment. Mais après, tu peux pas nier de toute façon l'impact qu'a eu John Cena sur l'histoire de la WWE. Le mec est comparable à un Hulk Hogan, il est comparable à un The Rock, par les matchs qu'il a eu, par les rivalités qu'on lui a données. Le mec a apporté indéniablement à la WWE, je pense que personne de toute façon peut nier ça. Enfin voilà, Renaud a plus d'expérience sur les icônes qu'il y a eu à la WWE, enfin il a perdu... Enfin voilà, il a été connu, Renaud. Ouais, mais totalement, non mais... Renaud il a connu le noir et blanc, donc on peut... je suis encore en vie, ouais, j'ai connu le noir et blanc à la WWE, moi. Non mais, ce que je peux dire, c'est que... Après, si tu prends plusieurs catégories aussi, Gus, il faut que tu prennes soit si tu prends le in-ring, il est clairement en dessous d'un Bret Hart. Je prends les deux, j'englobe tout. Ouais, ben si t'englobes tout, il fait partie, oui, ben c'est sûr qu'il marquera l'histoire, il fait partie d'un des meilleurs, mais pour moi, il y a quand même, sincèrement, je pense qu'il y a quand même trop de lacunes sur certains trucs pour en faire un des meilleurs. Maintenant, c'est sûr que John Cena, voilà, il a fait des choses que même les plus grands n'ont pas fait parce qu'il a eu plus de titres et parce qu'il a été sur le long terme dans plus de main events. Après, c'est le nouveau catch qui veut ça. Avant, il y avait moins de show, donc voilà. Il y avait moins de pay-per-view, il y avait moins de défense de titre, et voilà. Tout est relatif. Tout est relatif, mais c'est vrai que c'est une vraie bonne question, mais on pourrait faire un débat sur une émission entière. Ouais, là on va pas avoir assez de temps. Ouais, ouais. je pense qu'on a fait pas mal le tour. Après, il y avait Sébastien qui soulignait le fait que Kevin Owens avait perdu son match et qui trouvait ça gênant qu'il ne batte pas une deuxième fois. Moi, je trouverais ça gênant qu'ils perdent le troisième match, parce que là, ça le rendrait dans les classiques de rivalité qu'a eu John Cena récemment, c'est-à-dire de finalement surmonter l'insurmontable, comme il a pu le faire avec Rousseff ou avant avec Bray Wyatt, je crois, même s'il l'avait battu au premier match puis perdu, là, c'était dans le sens inverse. Mais je trouverais ça gênant, tu vois, que Owens perde une deuxième fois de suite. Là, Mais là, ils vont avoir 5 semaines, ils vont pouvoir construire un peu plus la rivalité qu'ils l'ont fait sur les 3 dernières semaines. Et vu le résultat que c'est déjà, moi j'ai très hâte d'être dans 5 semaines. Enfin, est-ce qu'il y aura une stipulation ou pas? Alors là, j'espère, ça serait intéressant de le voir dans une stipulation, ce combat maintenant, dans un espèce de frame rouge, une connerie comme ça. Voilà, même si actuellement même si c'est déjà des très bons matchs. Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, il faut, c'est pour changer un petit peu du match classique, changer un petit peu, mais rajouter une stipulation pour une belle, je trouve que ça peut être bien. Tu vois, sur Threshold, selon Bruce. Oui. Oui, bon, on fait 3 matchs en un. C'est super, ça. Est-ce que le titre serait en jeu aussi? C'est peut-être une question, puisque le titre n'a jamais été en jeu pour le moment. C'est pas possible que le titre US soit en jeu. C'est très bien que ce ne soit pas, parce que les deux ont leur ceinture, les deux sont champions incontestables des trucs, donc on ne voit pas... Moi, je pense qu'au prochain affrontement entre les deux, Kevin Owens ne sera plus champion. Hein. Je rappelle que le 4 juillet, il défendra son titre à NXT contre Finn Balor. Ouais. Et à mon avis, il a des chances de le perdre. Je pense qu'on va passer à la suite. Je vais vite fait prendre encore quelques réactions auditeurs. Il y a Daryl Mike sur Twitter, salut. Il dit clairement oui, meilleur match de la soirée, il est monté en intensité, très bonne construction de match, pas loin du Match of the Year 2015. On est qu'à la moitié, on va se calmer. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça fera partie des potentiels motifs. De toute façon, cette rivalité va faire partie des meilleurs de l'année, hein, je pense. Ouais, ouais. Ça risque d'être la rivalité de l'année. Ça risque, ouais. On espère. Et Mehdi Soula dit en ce moment, Cena contre un lutteur indépendant, c'est égal Match of the Year. C'est vrai qu'on avait vu son match face à Sami Zayn en Open Challenge qui était très bon. Qui était exceptionnel. Match face à Neville qui était très bon aussi. Enfin voilà. C'est sinon, ce match moment, contre Bryan. Sens... En fait, tu le sens revivre, Cena, avec ce titre US. Enfin voilà, le mec s'amuse bien. Je pense que ça lui plaît ce rôle de monter jeune maintenant. Ça lui paraît bien. Je pense que si tu lui poses la question, le mec, sans souci, il te dit qu'il a des... Bah oui, mais dans la tête. De toute façon, sa vie, c'est à WWE, donc, le mec, il est plus corporel que tu peux. Ah non. On va passer, donc, à la suite, on va retomber, parce que, il y a eu, de nouveau, la vidéo hommage à Dusty Rhodes qui était passée lors du pré-show, qui est repassée à ce moment-là. Je pense que ça a foutu un petit coup au moral du public, même si la bien vidéo... Fait, hein. Même si la vidéo, ouais, elle est très bien faite et puis elle est très positive. Moi, c'est ce que j'avais bien aimé. On en reparlera après. Mais voilà. Donc, le match pour le titre tag team entre The Primetime Players, donc Darren Young et Titus O'Neil, et The New Day, donc cette fois-ci Big E et Xavier Woods, et non pas Kofi Kingston, parce que Kofi Kingston avait un peu souffert lors du Money in the Bank ladder match. Un match très court, de 5 minutes 48. Ils ne nous avaient pas habitués à ça dans la division récemment. Et gagné par les Primetime Players, donc ils deviennent champions par équipe. Gus, toi qui voulais commencer. Oui. Allez. Oui, enfin, je voulais pas spécialement commencer par ce match-là, mais c'est pas grave. Hein. honnêtement, le match est bof. Hein. Cette tristesse pendant les entrées des deux équipes, c'était quand même assez ouf. Une ambiance de mort pendant l'entrée des New Day, c'était ouf. Même pendant celle des part-time players, mais il y a eu quand même un tout petit peu de bruit. Mais honnêtement, rien de positif dans ce match-là, mis à part quand même que je crois que c'est la première fois dans leur histoire que les part-time players deviennent champions par équipe. Faut me en souvenir. C'est sûr, ouais, c'est ils avaient déjà eu un premier run. Ils avaient eu un premier run ensemble et ouais, je me rappelle plus s'ils avaient déjà pris le titre. Non, effectivement. Plus, donc c'est la première fois. Donc mais c'est pas plus mal. C'est bien pour eux. C'est leur premier titre en plus à tous les deux. Ouais, à sans monter l'air de rien en fait. Hein. Ouais. Mais ouais, mais c'est bien. Je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. C'est des gars méritants. Hein. Seb, vas-y. J'ai l'air dépité quand je te demande. t'inquiète pas, c'est pas de la mauvaise volonté. Non, mais moi je suis pas forcément très inspiré là-dessus non plus. Je trouve le changement très aléatoire. Les prime time players c'est sympathique, mais bon ça n'a jamais été construit comme étant une véritable équipe qui a la carrure pour être champion. Je veux dire, je fais une petite recherche là et j'ai vu que leur dernière victoire en pay-per-view ça remonte à Night of Champions 2013 et encore c'était dans un match de pré-show. C'était un tag team Turmoil. Donc voilà, comme quoi ça remonte à il y a plus de 2 ans, leur dernière victoire en pay-per-view. Je m'en souviens, Seb. En plus, c'était pour affronter le Shield ce soir-là et pour perdre contre le Shield après. C'est ça, ouais, exactement. Hein. Voilà. Et donc voilà, la victoire, comme je l'ai dit, est un peu aléatoire et je trouve dommage parce que j'aimais bien le taf du New Day en heel. Renaud. Ouais, ben ça se regarde et ça s'oublie assez vite. C'est un peu le match tag team calibré pay-per-view qui vient juste avant le main event en fait. On a eu les Divas ces derniers temps. Là, c'était le match tag team. Ça aussi, ça arrivait plusieurs fois. Après, oui, ben, on note que les prime time deviennent champions par équipe pour la première fois et qui rejoignent cette liste de teams afro-américaines qui ont déjà gagné des titres. Moi, je pense à New Day juste avant, bien sûr. Il y a eu Kofi et Herchouf aussi, que beaucoup de monde ont zappé, bien sûr. Il y a eu les Harlem Heat à la WCW qui ont quand même été 11 fois champions par équipe ensemble. C'est sans doute l'équipe black la plus connue du catch américain, logiquement. Et il y a eu aussi, bien sûr, Tony Atlas et Rocky Johnson, le père du rock, qui ont été les premiers champions par équipe black. Et sinon, j'avais noté aussi un truc. Une stat assez intéressante, et si je dis pas de bêtises parce que je suis pas sûr de moi, mais si on reprend la Nexus originale, c'est donc la première qui a été créée par Wade Barrett, il restait plus que Darren Young. Darren Young, c'est vrai. Ouais, et Michael Tarver, mais bon, lui. Oui, Tarver, il se fait virer, peu cher. Voilà. Donc, en fait, c'était tout ce que je voulais dire. Tout le monde a eu un titre. Et c'est à deux semaines près, quand même. Hein. Parce que Skip Sheffield, Ryback, qui a donc son premier titre que depuis 15 jours. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, donc maintenant, tout le Nexus, sauf Michael Tarver, mais je pense qu'on ne voudra pas à la WWE de ça. On pense vraiment qu'on ne va pas en vouloir. Il y a Daryl Make, je lui dis un peu mix américaine et pas américain, son pseudo, qui dit que c'est un match de transition, hein, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, et que voilà, qu'il y a tout de même une part de surprise vu qu'il y a la victoire des Prime Time Players, voilà. Et il y a John Zurgo, qui dit « Je ne comprends pas le choix de la WWE, à quand les Lucha Dragons Champ ?» C'est vrai qu'ils ont fait un début assez fort. Je pense que c'est encore trop tôt. Ouais, mais enfin, les mecs sont arrivés assez fort, tu vois, après WrestleMania. Ouais, mais si tous les gars d'NXT débarquent et prennent les ceintures d'un coup... Ah, mais il y a du potentiel sur l'avenir. D'accord qu'il y a du potentiel sur l'avenir, mais bon... Ça ne veut pas dire que ce serait grave pour la division tag team. Non, mais même dans l'ensemble, ça décrédibilise beaucoup, énormément les gars qui sont là depuis longtemps et voilà. Mais non, mais c'est encore un petit peu trop tôt. Mais ils l'auront en C4, oui. On va dire que c'est un peu une cassure dans la rythmique qu'il y avait dans la division de tag team, des matchs d'à peu près 10 minutes qu'il y a eu tout le long de cette année. Mais bon, voilà, on verra au prochain pay-per-view, il y aura sûrement un rematch. Ou peut-être en 5 semaines, il y a le temps de faire le rematch et de préparer notre rivalité. Donc, on verra un petit peu l'attitude d'Arvo d'ici là. Je vous propose de passer aux choses très sérieuses. Donc, le deuxième match en importance dans nos cœurs, mais le premier en termes de valeur, vu que c'est le titre. WWE World Heavyweight Championship entre Seth Rollins et Dean Ambrose. C'est un ladder match qui a duré 35 minutes 40 secondes et qui a vu Seth Rollins gagné face à Dean Ambrose après un travail de sap assez important. Et finalement, Dean Ambrose était sur le point de rattraper la ceinture. Ils sont tombés à deux en même temps, mais c'est Seth Rollins qui a tenu la ceinture un peu plus fort et qui, du coup, reste champion et qui a été sans intervention d'aucun membre de l'autorité ni extérieur. Donc voilà, un ladder match, Boussy. Peut-être ladder match, mais voilà, parce qu'il y a Boussy. Le leader. Me vanne sur le chat. Le match de la leader. Sinon, Gus serait champion. Voilà. Voilà, effectivement. Mais d'accord. Au moins, je serais champion de quelque chose une fois dans ma vie, tu vois. C'est... Le mec, on le bâche, il se rebâche. C'est le principe de l'autodérision, monsieur. Voilà. Fantastique. Voilà. J'adore ça. C'est le Great American Bash. C'est ça. Le Great Gus Bash. Seb, qui n'a pas beaucoup commenté aujourd'hui, à peu près autant que Gus. Oui, c'est ça, globalement. Que dire, ouais, un match avec une première moitié que j'ai semblé un petit peu étonnamment lente. Hein, je sais pas si c'était moi qui étais dans une mauvaise phase de sommeil, je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était plutôt lent pour la première moitié, avec très longtemps une seule échelle qui a été utilisée. C'est assez surprenant dans les standards qu'on a de nos jours dans les matchs de l'échelle, avec plusieurs échelles rapidement utilisées. Et puis, au bout d'un moment, il y avait un coup d'accélérateur vers les deux tiers de la rencontre. Et à partir de là, j'ai vraiment apprécié le combat qui s'enchaînait à une très grosse vitesse avec beaucoup de prises de risque. Et c'est vraiment, vraiment fun à voir. Et à la fin, t'as Dean Ambrose qui commence à se faire détruire et tu ressens presque un malaise, quoi, vis-à-vis du gars, parce que ce qu'il prend à la fin, c'est quand même assez énorme, j'ai trouvé. T'as vraiment envie que le match se termine juste pour qu'il ne subisse plus de dégâts. Donc, ça a vraiment été très bien fait, cette fin de match, j'ai trouvé. Et pour la toute fin, c'est-à-dire le décrochage de la ceinture, c'est encore une fois une fin qui n'est pas forcément clean. Et c'est la quatrième fois en quatre affrontements entre les deux hommes en pay-per-view que la fin n'est pas propre. Donc ça surprend, je trouve. Surtout dans le champ lui-même, tu regardes, il y a une intervention dans le premier match. Dans le deuxième match, il y a le Twin Magic. Dans le troisième match, il y a une disqualification. Il y a que le match tag team et le John Cena Kevin Owens qui était vraiment clean, quoi. Après apparemment le speech de Dean Ambrose dit après que en gros il y a pas de contestation possible, c'est juste qu'il a été un peu moins fort à ce moment-là, quoi. Donc c'est tout. Gus, toi, vas-y, ton avis. Non, j'ai trouvé le match bon quand même, des spots assez intéressants, notamment le spot avec l'échelle, avec Seth Rollins qui passe par-dessus la troisième corde et qui brise l'échelle en deux carrément. J'ai trouvé ça intéressant. Après, honnêtement, c'était l'heure de dormir, donc c'était assez tard et je dois avouer ne pas trop avoir vu grand-chose du match, mais j'ai vu le principal en best-of tout à l'heure, donc ça va. C'était assez intéressant comme match. Ok, Renaud, toi, tu vas peut-être pouvoir faire un petit comparatif sur le reste. Vas-y. J'ai trouvé le match sympa dans sa globalité. De toute façon, on sait très bien que les deux, ils peuvent pas nous pondre du mauvais. Au pire des cas, c'est bon. Dans le meilleur des cas, c'est très bon. Bon, là, j'ai trouvé que c'était assez bon. Après, je vais rejoindre Seb aussi, tout de même. Je trouve que pendant une bonne partie du match, j'ai trouvé ça peut-être assez long. Assez prévisible, je sais pas. C'est vrai qu'avec une échelle, c'était... Enfin, je trouve que 35... Combien, 35 minutes, t'as dit ? 35 minutes, 40 secondes. Ouais, c'est quand même long. Franchement, même si c'est deux excellents catcheurs, qu'il y a une réelle chimie entre les deux, ça me paraît quand même très long. Après, ça s'est accéléré sur la fin, logiquement. Et moi, j'ai cette sensation, quand je vois Dean Ambrose, malheureusement, cette sensation où je me dis, de toute façon, il gagnera pas. Je sais pas si... Comme il est booké, ce mec, on n'a pas envie non plus de le faire perdre vraiment clean, donc à chaque fois il se passe une couille et c'est toujours ah le pauvre il s'est passé ça, il s'est explosé une télé dans la gueule à TLC, enfin il y a toujours des trucs, mais je sais pas, c'est toujours cette sensation de toute façon Dean Ambrose il gagnera pas, quoi. Et là c'est pareil, pour moi il y avait aucun suspense, c'était sûr que ça allait être Seth Rollins, surtout que Lesnar va revenir, je sais pas, il manquait ce petit truc. D'habitude dans les leader match on aime bien justement avoir ce suspense là, et là pour moi c'était couru d'avance que ça allait être Rollins, ça m'a pas quitté de tout le match. Après le match sur la fin, il était très bien tout ça, mais ce coup de la main à la fin, c'est finalement si on regarde les images, c'est bien Seth Rollins qui décroche la ceinture de toute façon, hein, donc. Eh oui. Et oui, il n'y a pas de contestation possible. Ça m'a rappelé quand même un triple threat match qui avait eu lieu à TLC 2010, je crois, pour la ceinture intercontinentale. Ouais, t'as... non, ça n'a rien à voir quand même. C'est deux gars qui faisaient tomber la ceinture et t'avais Ziggler en bas qui est allé ramasser. Ouais, c'est ça que j'allais dire justement. Non, mais ça m'a juste rappelé ça que la ceinture avait été décrochée et qu'il y avait un gars en dessous qui l'avait ramassé, ouais. C'est Swagger et Kofi d'ailleurs qui l'avait fait tomber la ceinture. Ouais. Pour l'histoire. On a Mehdi Souda qui toujours intervient. D'ailleurs, on le remercie, hein, on va pas l'empêcher, bien au contraire. Il dit qu'il a aimé ce match, qu'il est vraiment bien construit. Je trouve que c'était vraiment un ladder match à l'ancienne. Avec une arrivée tardive des échelles assez physique. C'était lent, mais bon, dans sa globalité. Moi, je rejoindrai. Je trouve le storytelling qui a été assez élevé. Après, je suis d'accord pour dire que 35 minutes, c'était trop long. Et qu'ils auraient pu couper un bon 5-10 minutes, au moins. Par contre, dans le côté vintage, il a raison. Hein. Ouais, dans le côté vintage, Mehdi, il a raison. C'est vrai qu'il y a des ladder matchs comme ça de l'époque où l'échelle, il y en avait qu'une et puis elle venait un peu tardivement. C'est vrai que sur ce côté-là, ouais, je le rejoins totalement. Alors... On a Original Blacky, donc at Moustine Aurélien, donc sur Twitter, Moustin peut-être du coup, qui dit au hashtag WRF qu'il aimerait bien que The Miz soit remis au niveau par la WWE. Est-ce que tu veux revivre un WrestleMania 27? Voilà, c'est la question que je te poserai. Hashtag doigt dans la bouche. Donc, pas vraiment, hein. Nous on n'est pas trop de... On n'est pas de cet avis, malheureusement, on est désolé, Aurélien. Mais on s'excuse. Voilà. Mais on tape quand même, merci de nous écouter. Voilà, exactement. Moi, je vais vous rejoindre dans la globalité de tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec spécialement ce que dit Renaud sur l'attitude qu'a doué le vœu avec les défaites de Dean Ambrose, avec cette hésitation à le faire gagner. Mais du coup, on veut pas trop le faire perdre, on veut qu'il soit fort parce qu'il est over, mais en même temps, on veut pas le faire gagner parce que on n'a pas envie de le mettre trop en avant. Voilà, c'est une patate chaude en fait. C'est Dean Ambrose, c'est un peu la patate chaude en ce moment à WWE. Sans patate. Ils le foutent dans une rivalité, et ils essaient d'en faire un petit peu ce qu'ils peuvent quoi. C'est un peu bizarre. Ça m'emmerde un petit peu parce que je pense que c'est l'un des gars actuellement dans le ring à la WWE qui est l'un des gars peut-être le plus talentueux, peut-être le catcheur que je préfère actuellement. Je pense qu'il aura son heure. Il aura son moment, oui, ben j'espère, parce qu'il le mérite d'avoir son moment. J'espère pas trop tard, parce qu'on a vu certains catcheurs qui avaient leur moment et qui ça affaiblit plus tard, donc enfin voilà, faudra bien sûr gérer tout ça. On va passer aux notes, messieurs, je pense qu'on voilà, on n'a plus grand chose à dire. Donc préparez vos notes sur 10, évidemment, hein, si vous connaissez pas trop le concept de l'émission, on a tous les pay-per-views sur 10 et on fait on fait la note moyenne et on vous dit donc du coup si le pay-per-view est conseillable ou pas. Voilà sur une moyenne de 6, hein, bien sûr. La moyenne chez nous c'est 6, si t'es en dessous de 6, c'est que c'est pas bon. En dessous de 6, on va dire que c'est pas assez bon pour être regardé dans son intégralité. Voilà. C'est ça. Je vais commencer par toi, Gus, toi qui veux commencer, donne ta note. Moi ça sera 6,15 pour emmerder. Donne une vraie note s'il te plaît. Ça sera 6. Ok, c'est cool. Tu veux donner un peu plus d'explications? Non, parce que oui, parce que bon, c'est la première fois donc que les players prenaient une ceinture, donc ça rentre dans l'histoire quoi qu'il arrive. le main event est bon, le match de Diva est incroyable parce que il dure quand même plus de 10 minutes. le ladder match est pas dégueulasse, c'est comme pareil comme moi je suis un fanboy de Ryback de le voir conserver sa ceinture forcément. Là, c'est une moyenne et forcément t'as le match ouf. Entre Owens et Cena qui est là pour remonter la moyenne. C'est toi qui donnes ta note là, Bruce Lee, ou bien c'est une Oui, c'est la note de Bruce Lee. Bah, je vais pas la dire. tu participes pas au podcast. Voilà. Renaud, vas-y. Alors je vais mettre 5.5. Ouais, 5.5. Comme ouais, grâce au main event et à Cena versus Owens évidemment. Meilleur qu'à l'Elimination Chamber, mais sinon, les fins biaisées, bon, on était trop nombreuses et le Money in the Bank match était très moyen, donc je vais mettre 5.5. C'est bon. on peut dire ce qui s'est passé quand même. Vas-y, dis-le. Je l'ai dit, il y a Broussy qui met 5.5, je lui dis qu'il peut pas avoir sa note, et Renaud met 5.5, donc voilà. Renaud qui protège son Broussy, voilà. C'est ça, exactement. Moi aussi, j'étais sur le point de mettre un 5,5, hein, c'est ce que j'ai noté. Voilà. Mais cette team aussi. Pas beaucoup de fin clean dans ce pay-per-view, assez regrettable. Sinon, il y a le Owens Cena qui est le meilleur match de la soirée, clairement. Et sinon, je ressors de ce pay-per-view avec un bilan mitigé quand même, donc 5,5, pas plus. Et moi, je vais mettre 5, je vais être le plus méchant, on va dire, entre guillemets. Parce que, ouais, en dehors du Cena Owens, le reste a eu un gros problème scénaristique à mon goût. Je trouve que globalement le tout vient un petit peu, enfin voilà, c'est on balance l'info et vous en faites ce que vous voulez quoi. Sheamus Money in the Bank, je trouve que c'est mal amené. Prime Time Players, c'est mal amené. J'en ai marre de voir des fins diva comme ça, mais bon, ça fait partie du jeu, donc ça à la rigueur c'est pas trop sur ma note. Et à l'inverse, je trouve que le Kevin Owens versus John Cena bénéficie vraiment d'une structure peut-être classique. Enfin, vraiment, on a vu ça, voilà. Mais les deux, ils mettent une telle intensité et un tel talent que, enfin voilà, ça passe crème. Donc voilà, je vais mettre un 5. Du coup, la moyenne de nos quatre notes est de 5,5. Comme ça fera plaisir à Boosty. Donc on sait. Et j'aurais pu dire encore, tu sens le 5 de Pierre. Ouais, non, vraiment, je voulais mettre 5. C'est pas ma faute si ça fait à chaque fois une note exacte. Donc 5,5, voilà, c'est presque la moyenne. Je vais vous demander le match de la soirée pour tout le monde. Je pense que c'est que Lee Owens versus John Cena. Encore une fois, ce match, enfin, cette rivalité qui prend vraiment le dessus sur le reste. N'empêche, ce qui est assez impressionnant. C'est quand même la confirmation pour les gens qui ne connaissaient pas Owens, qu'Owens est capable de sortir des matchs de folie tout le temps. Et le mec est excellent en micro, il est excellent sur le ring. Si le mec loupe sa carrière à la WWE, c'est qu'il y a un problème quelque part, hein. Honnêtement. Là, ce sera la faute totale de la WWE. Ah oui, clairement. mis à part s'il se blesse. Là, vraiment, c'est le seul détail qu'on peut pas gérer. Donc, du coup, voilà. Donc, on vous conseille match de la soirée, Kevin Owens versus John Cena 2. Donc, du coup. Et 5-5, donc pay-per-view passable, mais pas non plus énorme. Loin de là. Du coup, on va faire une petite interview maintenant qu'on a parlé du pay-per-view, et on va revenir sur Dusty Rhodes, évidemment. Dusty Rhodes, donc, qui est décédé le 11 juin dernier. Donc, c'est jeudi. Ouais. Il y a Renaud, je pense, qui peut nous en dire plus, vraiment, sur l'homme dans sa globalité. Bah, Dusty Rhodes, faut savoir que c'était un gars hyper apprécié en coulisses, parce que c'était un mec avec beaucoup de pouvoir. Après, ça a surtout été un catcheur hyper intéressant à la NWA. Là-bas, il est devenu 3 fois champion du monde. Il a eu des très grandes rivalités face à Ric Flair, face à Terry Funk, face à Harley Race. Enfin, vraiment des très grands noms où il faisait les main events. Ça a été un vrai adversaire des Four Horsemen. Il était un face hyper apprécié de la foule puisque c'était un homme du peuple, en quelque sorte, un peu le Daniel Bryan d'aujourd'hui. Il a eu aussi des très grands matchs face à Tully Blanchard qui était donc dans les Four Horsemen. Puis après aussi, il a été à un moment donné booker à la WCW. Et il est venu avec plusieurs idées là-bas, notamment le War Games, qui est ce fameux match hyper classique pour tous les fans de la WCW où tu as 2 rings collés avec 2 cages collées et 2 teams qui s'affrontent. C'est lui l'inventeur, c'est Dusty Rhodes. Et sans Dusty Rhodes, il n'y aurait pas eu DDP non plus. Donc des mecs comme ça, voilà, ils rentrent dans la légende pour tout ce qu'ils ont apporté au catch, en plus de sa carrière de catcheur qui a été énorme, surtout à la NWA, parce qu'après son passage à la WWF, c'était un peu plus enfantin. Et il avait fait venir, il avait des gros poids, il était en slip énorme avec des poids jaunes, tout ça. Bon, enfin bref, c'était pas super, même s'il avait affronté Savage à un moment donné tout de même. Mais voilà, Dusty Rhodes, moi, en tout cas, personnellement, je me souviendrai surtout de Dusty Rhodes en tant que catcheur de la NWA, qui a vraiment été au top à un moment donné, et Booker, un mec hyper influent dans les vestiaires, dans le monde du catch. Moi, j'aimerais aussi souligner le fait que ben vous avez vu à partir de jeudi la tonne de dommages au mec, et notamment je pense il y avait Sami Zayn qui a posté un message sur un tweet assez long. Ouais, bien sûr, ça a été en trending France, quasiment toute la soirée, hein. Comme en France, enfin voilà. Et surtout il y avait ce message de Sami Zayn où il disait que Dusty Rhodes avait beaucoup aidé à prendre confiance au micro. Kevin Owens, bien sûr, qui a dit que ça a été très important. Et on voit, en fait, que sur ces dernières années, il a fait un travail au Performance Center avec le nouveau NXT. Bien sûr, il y a Triple H qui a géré NXT. Et tu vois que Dusty Rhodes, ça fait partie des gars qui a englobé tout ce cadre NXT et qui en a fait quelque chose, qui est actuellement vraiment un des meilleurs produits de la WWE. Et c'est là qu'on peut souligner, comme tu disais, c'est que le gars était un catcheur. Mais il a aussi travaillé dans l'arrière-scène et qu'il a fait un boulot exceptionnel dans l'arrière-scène aussi. Donc voilà, je pense que c'est indéniable que le mec est une légende, quoi. C'est ouais, totalement. On a c'est pas hyper vu. Passionné, hein. C'est un passionné, vas-y Gus. On n'a pas vu passer un seul tweet négatif à son vraiment, sujet. On n'en a pas vu passer un seul. C'est un peu de mauvais goût de dire ça, bien sûr, d'être négatif à ce moment-là. Oui, non, mais c'est vrai. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait des haters qui n'ont aucun cœur et qui quand même continuent à bâcher quelqu'un même après sa mort. Mais là, on n'en a pas vu un, quoi. Ça prouve que le gars mérite le respect du monde entier, quoi. C'était quelque chose de fou. Même quand il était vivant, tu sentais que tout le monde vraiment l'appréciait. Vraiment, et je voudrais justement ce moment d'émotion de René Young, parce que du coup, tu te dis, il y a un peu tout le monde qui a eu en contact avec lui parce qu'il était backstage, et tu sens que du coup, en dehors du fait que le gars était passionné in-ring, il y avait aussi toute une attitude en dehors qui devait être vraiment spéciale. Et Vincent qui dit qu'on espère que la WWE fera quelque chose de Cody, ça je sais pas si c'est forcément faisable. Après c'est sûr que ce sera un geste vraiment vers son père, surtout que Cody c'est pas un mauvais catcheur, pas quelqu'un qui a fait des mauvaises choses, donc je pense que vraiment ce serait bien. Mais enfin voilà, c'est vraiment le gars avait une aura, quoi, en tout cas. Je sais pas Seb si t'as envie de rajouter quelque chose. Ouais, moi j'ai pas forcément connu beaucoup ce catcheur là puisque c'est pas mon époque, mais je l'ai connu aussi en general manager à NXT, mais bon je l'ai pas beaucoup vu, quoi. Mais pour ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui me plaisait beaucoup, quoi, qui avait l'air d'être sympathique de nature, donc ouais, ça restera comme un grand monsieur du catch, c'est clair. Et Yagus qui voulait souligner un moment qu'on a tous eu. Ouais, c'est, je crois que c'est le notre dernier Mark Moment à tous, je pense, avec Dusty Rhodes, avec Dusty Rhodes, de, c'était Battleground en 2013, avec l'image, cette sublime image de voir Goldust, Cody Rhodes et donc Dusty Rhodes, en point, les points collés, à juste avant d'affronter le Shield. Cette image, elle, elle restera, je pense, gravée, dans les mémoires de tout fan de catch, mais pour très longtemps. Parce que c'est le flambeau familial, c'était beau, c'était vraiment vraiment fort comme image, j'ai trouvé, et c'était bien ce qui résumait, je pense aussi, la vie de ce gars-là, amoureux du catch et surtout surtout quelqu'un de qui semble être, enfin qui semblait être une personne hyper sympathique, et on aurait tous, je pense, aimé le connaître. Ben je pense qu'on a à peu près tout dit. En tout cas, on rappelle, hein, ce podcast, il en aussi en hommage à Dusty Rhodes, parce que voilà, c'est aussi ça le catch, c'est vous suivez partout, vous avez des héros, des légendes, tout ça, etc. Bon, c'est pas notre génération, je pense peut-être plus Renault, qui est un peu plus connu, et encore même Renault, c'est un peu vague. Voilà, ouais, c'est plus sur, voilà, DVD, hein, ouais. Donc voilà, c'est un peu plus lointain, c'est un peu lointain pour tout le monde. Mais c'est des mecs qui ont fait partie de l'histoire du catch et qui, au fur et à mesure, ont amené à notre période actuelle et qui nous permet aujourd'hui d'en parler et de faire cette émission. Tu vois, c'est des mecs qui contribuent à la passion, et voilà, c'est important de toujours être là, et c'est, tu vois, c'est pas du ressassement gratuit, c'est vraiment pour souligner l'importance de tel gars dans le métier, quoi. C'est vraiment, il y a une différence à faire entre eux et d'autres, quoi. C'est clair. C'est exactement ça. Ben écoutez, même dernière chose, vas-y. Merci Jamel Can Join, quoi. Et évidemment, ouais, évidemment, on ne l'oubliera pas, évidemment. Après ce moment, voilà, c'est, on va passer au partenaire. c'est une transition. Ouais, c'est ouais. Mais bon, c'est pas grave. Donc nos partenaires, il y a Voxcatch, dont la review du pay-per-view va bientôt sortir. On va aussi sortir, enfin sur Voxcatch, il y a Boussy qui a écrit justement un article sur Dusty Rhodes qui va sortir demain. Donc surveillez, bien sûr, hein, c'est un article qui retracera la carrière et un peu le travail du bonhomme dans toutes les fédérations qu'il a pu avoir ces dernières années, ou par où il est passé, évidemment. FN Lut, évidemment, qui partage nos interviews, British Wrestling Revival, Ma Chaîne de Catch, et Lucha Underground FR, donc qui commente en français les shows de la Lucha Underground. Le prochain Late Night Wrestles, ce sera en live. Évidemment, hein, vous étiez aujourd'hui quelques-uns à nous suivre et à commenter, et du coup, on apprécie ça d'autant plus, hein, ça nous motive. Mehdi Soula, Archive TVF, et sur Twitter aussi. On vous remercie d'avoir suivi ce live. Le prochain, c'est le 20 juillet à 22h30 pour le pay-per-view Battleground, du coup. On en parlait. Après, on vous signale la dernière interview sortie, qui est celle de Chris Masters, donc qui va participer au projet de Jeff Jarrett, qu'on avait déjà interviewé. Donc c'est aussi trouvable, donc, de la Global Force Wrestling. Qui voit de plus en plus le jour et qui a déjà annoncé quelques dates, il me semble. Oui. Bien sûr, encore et toujours, il y a eu DDP en fin d'année dernière qui avait parlé du DDP Yoga, donc avec peut-être une extension en France, il faut surveiller tout ça. Avec aussi Ajus, des catcheurs français comme Lucas Dileo, Peter Fischer, Ian Colby, etc. Vraiment. Tout est sur YouTube, hein, de toute façon. Tout est sur YouTube. Bien sûr, le YouTube Wrestles Radio, Twitter @WrestlesRadio, hein, vous pouvez nous contacter directement. Sur le Facebook, c'est pareil, Wrestles Radio. Sur archive.org, vous pourrez trouver tous les podcasts montés, bien sûr, un peu plus montés par ce cher Vincent. Et aussi sur iTunes. Oui. iTunes, on met à jour, donc il vous suffit de vous abonner, c'est gratuit. Et en fait, dès que vous vous connectez et qu'il y a un nouveau podcast de sortie, ça se met à jour. Et comme ça, vous êtes au courant de tout. La prochaine à passer, parce que c'est une femme qui a passé en interview, ce sera Gail Kim. Gail Kim, voilà, qui est Knockout des TNA. Et on aura aussi, justement, en parlant de TNA, bientôt, Célian Varini et Grégory Dis qui vont repasser, probablement pour parler de Slammiversary, Sammy Vassori qui aura lieu le dimanche 28 et qui sera diffusé d'ailleurs en France sur Machine Sport à 2h du matin. Ils seront sur place d'ailleurs Non, ils seront pas sur place, non. On va leur en parler justement, on va faire un point sur la TNA, excusez-moi, etc. Et donc voilà, ce serait intéressant de refaire un point, on les avait déjà eu en interview et je pense que c'est intéressant d'avoir les mêmes personnes une deuxième fois, surtout que c'est des bons, c'est des bons clients. il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés tous. Je vais remercier mes camarades du soir qui ont été très positifs, comme aimerait le dire The New Day. Je les remercie pour leur analyse. Bonne nuit à tous. À très vite sur SOS Radio et à la prochaine. Thank you. Salut les amis. Salut. Amen.